Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. En attendant Omar Guetlato, une éducation algérienne de la Révolution à la décennie noire, une femme en colère, lettre d'Alger aux Européens désabusés, Burqa, histoire minuscule des révolutions arabes, ce ne sont pas là les sous-titres des volets de La Voix Nue qui suit, consacré par Perrine Kervran à Wasila Tamzali, mais bien les œuvres publiées par cette écrivaine et militante féministe algérienne. Les titres de la série sont tout autant évocateurs. La maison de Saint-Eugène, Faire la révolution à la cinémathèque d'Alger, De l'espoir à la désillusion, les promesses non tenues de la révolution algérienne. Voici un parcours de femme, d'intellectuelle, de militante indépendantiste et, en filigrane, l'histoire de l'Algérie. Les trois premiers volets de cette série, diffusée pour la première fois sur France Culture en mars 2012. À voix nue. Toute cette semaine, Perrine Kervran rencontre Wasila Tamzali. Ce soir, la maison de Saint-Eugène. Wasila Tamzali, bonjour. Nous sommes ensemble pour 5 entretiens. Alors, quand on regarde votre curriculum vitae, on peut lire que vous avez été avocate à la Cour d'Alger, que vous avez exercé des activités journalistiques et culturelles et que vous avez travaillé au sein de l'UNESCO sur la question de la condition des femmes. Mais dans votre livre « Une éducation algérienne », paru en 2010, vous dressez avec un certain sens de l'autodérision la liste de vos tares, comme une sorte de portrait. Alors, je vais lire cette liste. Donc, femme, bourgeoise, libre penseur, francophone et démocrate. À quoi j'ajouterais intellectuelle et algérienne. Alors dans ce livre, vous faites un voyage dans le temps, celui de votre jeunesse passionnément indépendantiste et celui de l'âge adulte et des désillusions politiques qui vous ont amené à quitter l'Algérie pour la France en 1979. Ce récit est donc celui de votre histoire, mais c'est ce qui lui donne d'ailleurs de la profondeur, c'est aussi l'histoire de l'Algérie et de l'échec de sa révolution. Vous menez donc une quête pour comprendre comment cette révolution algérienne a pu se trahir et vous trahir à ce point, et comprendre du même coup comment votre père, lui-même indépendantiste, a pu être assassiné en 1957 par un autre indépendantiste. Alors dans ce premier volet de nos entretiens, nous allons revisiter votre enfance, ses origines auxquelles vous revenez sans cesse et qui sont une des clés de votre histoire et de celle de l'Algérie. Alors aujourd'hui, premier volet de nos entretiens, la ferme de Bougie, la maison de Saint-Eugène. Alors, Wasila Tamzali, ces entretiens, je voudrais à chaque fois en fait les amorcer avec une image tirée de votre livre qui va nous accompagner pendant la conversation. Alors, pour commencer, j'ai choisi celle de ces femmes de votre famille, jeunes et moins jeunes, dans les années 50, 60, qui descendent les escaliers de l'opulente maison familiale de Saint-Eugène à Alger. Certaines habillées à la dernière mode occidentale, en tailleur talon aiguille, d'autres en sarouel, et qui ensemble se préparent devant la glace en se drapant, pour certaines dans un haïk, c'est-à-dire un voile blanc, avant de sortir sans les hommes. Alors c'est une image contrastée et qui décrit finalement assez bien le climat de votre enfance. Tout à fait, oui. Bah, j'ai choisi le voile parce que, bien évidemment, aujourd'hui, ça a pris une telle dimension que c'est devenu important. Quand je raconte mon histoire, c'est presque devenu un objet politique maintenant. Hein. Je fais toujours la comparaison avec ce voile-là et le voile d'aujourd'hui, qui est vraiment très différent, qui n'a pas la même... qu'il n'y a pas les mêmes objectifs même, hein, les mêmes objectifs. Et ma grand-mère est devenue un personnage important de mon discours politique, voilà. Et je pense pas qu'elle aurait pu imaginer ça elle-même, hein, n'est-ce pas? Parce que, justement, ce qui me semble caractériser le voile et tout ce qui est autour, c'est-à-dire la religion, ce que ça voulait représenter, la religion, c'était sans doute tout sauf politique, ça faisait partie des mœurs, c'était une organisation de la vie sociale et de la vie culturelle, plus que un geste religieux. Et pas beaucoup de religiosité dans ma famille. Et ça m'intéresse beaucoup de montrer les différences avec, justement, la politique aujourd'hui, voilà. Oui, c'était ce voile de ces années-là, c'était un peu le voile de l'intime. D'abord, c'était des sociétés de séparation des sexes, n'est-ce pas ? Et c'était la culture du génissé, hein, où les femmes vivaient entre elles, dans des grandes maisons. Les maisons étaient des unités économiques, des lieux de vie intimes, d'autant plus intimes que la cité est colonisée, la cité est occupée par les Français, et que donc la famille, avec tout ce que ça représente, la maison, va devenir le lieu, le refuge de l'identité, d'abord, ça c'est une grande catastrophe pour les femmes, va devenir le refuge de l'identité, va devenir le lieu où on va retrouver une certaine dignité, où les hommes vont trouver un certain pouvoir. Ce qui, évidemment, on comprend bien après comment vont naître quelques pathologies de cette séparation entre le public et le privé. Mais en Méditerranée, c'est comme ça. En Méditerranée, dans le nord et le sud de la Méditerranée, les femmes vivent dans un gynécée. Et donc, les femmes vivent dans l'espace privé. Quand ce sont des bourgeoises, elles n'ont absolument rien à faire dehors, n'est-ce pas ? Parce qu'elles ne font pas des courses, elles ne travaillent pas. Donc, elles vont d'un lieu privé à un lieu privé, d'une maison à une maison, n'est-ce pas ? Il y a une phrase qui est courante dans la vie sociale de cette époque, c'est « on va faire des visites ». Voilà. Quand une femme sort de la maison, c'est pour faire une visite. Alors, ça dépend aussi de son milieu social. On fait des visites dans certains milieux, on ne va visiter que sa famille. Parce que même, voyez-vous, même pour ça, la tradition, c'est qu'une femme demande l'autorisation à son mari d'aller visiter sa famille. D'ailleurs, dans beaucoup de querelles et dans beaucoup d'organisations de contrats de mariage, et même dans le Coran, il est dit que l'homme doit autoriser sa femme à aller voir sa famille. Vous voyez, donc il y a tout un... Bah, évidemment, ma grand-mère ne demandait pas l'autorisation d'aller voir sa famille à son mari, et elle allait voir plus que sa famille. Voilà. Mais ça dépend aussi des milieux sociaux auxquels on appartient. Voilà, donc, si bien, si vous voulez, que cette femme, avec son haïk, ça va devenir vraiment un objet central. Aujourd'hui, j'en parle tout le temps. Voilà, c'est devenu une des pièces de ma démonstration politique avant d'être ma grand-mère chérie, quoi. Voilà. Alors, donc, on l'a dit, vous êtes algérienne, mais issue d'une famille aux origines doubles, turque du côté de votre père, espagnol du côté de votre mère. Est-ce que ces origines sont pertinentes dans la façon dont vous représentez, dans la façon dont vous vous racontez ? Alors, oui. Je crois, oui. D'abord, elles sont pertinentes en elles-mêmes. Parce que, évidemment, concernant les origines ottomanes de mon père, ça veut dire que nous sommes des gens des villes, hein, et que nous sommes liés à une culture de la ville, une culture citadine. Et pour cette culture citadine, la place de la femme est très importante, n'est-ce pas ? Dans ma famille, il n'y a pas de trace de polygamie, par exemple. Si je peux remonter à 3-4 générations, et quand j'interrogeais mon grand-père. Donc ça, c'est un signe. D'ailleurs, dans ces familles ottomanes, on mariait en général les filles dans d'autres familles ottomanes. D'ailleurs, j'en parle dans la famille de Sainte-Eugène, où je disais que c'est là que se faisaient les mariages, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ces maisons communiquaient entre elles, avec des jardins, on allait d'une maison à l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine liberté, mais à l'intérieur d'un périmètre très contrôlé. Et que, en général, les mariages se faisaient dans ce périmètre-là. On mariait sa fille avec... pas obligatoirement son cousin, mais avec l'ami du cousin, avec le voisin, avec l'ami du père, avec etc. Et on comprend, si vous voulez, cette situation en Algérie, j'ai compris ça bien après, en identifiant plusieurs manières de vivre, plusieurs presque cultures de l'intime et de la famille, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'entre une maison et une intimité berbère, kabyle dans les montagnes, une chaouie dans les montagnes, et une algéroise ou une constantinoise dans les villes, il y a une très très grande différence. Et évidemment, à ce moment-là, quand un père donne, parce que c'est le père qui donne sa fille en mariage, quand un père donnait sa fille en mariage, il essayait de lui faire épouser un milieu sécurisant, c'est-à-dire où il était sûr que sa fille serait traitée comme elle a été élevée, quoi. Donc, on peut expliquer, si vous voulez, qu'en Algérie, on retrouve un peu tous ces espèces de patchwork d'origine. Et souvent, on nous dit, mais enfin, c'est ridicule, on ne peut pas savoir d'où on vient. On peut, d'une certaine manière, savoir d'où on vient, parce que, jusqu'à une époque assez récente, on n'épousait pas, on ne se mariait pas avec quelqu'un de différent. Je connais des amis qui se sont mariés en 68. Elle était kabyle, il était de Tlemcen. Les parents ne les ont jamais reçus. Donc, on comprend qu'il y ait eu une espèce de cristallisation autour de certaines formes de vie qui étaient très différentes d'un lieu à l'autre de l'Algérie. Alors, Vassila Tamzali, vous avez été éduquée dans ce que vous décrivez comme une famille algérienne libérale bourgeoise, dans une certaine prospérité, dans une famille qui avait racheté des terres aux colons, qui avait regagné ces terres-là, qui étaient devenues propriétaires et qui avait donc lancé des entreprises, des industries, une huilerie à Alger. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu dans quel climat vous avez grandi ? Un climat de grande maison, avec une grande famille, avec beaucoup de réunions familiales, à l'occasion de mariages, de circoncisions, des fêtes avec des orchestres dans les jardins, des gâteaux de sucre blanc, des femmes très bien habillées. Un mélange d'élégance occidentale et de posture un peu traditionnelle, parce que ça faisait aussi bien de mettre... Ma grand-mère a toujours été habillée en sarouel, par exemple, la génération de ma grand-mère. Le sarouel, c'est un costume qu'on voit beaucoup maintenant sur les plages, mais qui est à l'origine le vêtement des femmes turques, avec un juste corps assez court et un foulard sur les cheveux. Un foulard en soie, qui cachait pas tous les cheveux d'ailleurs, c'est pas cette phobie du cheveu, qui cachait un peu avec une perle ou une petite broche sur le côté. Bien évidemment, à partir de mes tantes, c'était des costumes plutôt occidentaux. Les hommes que j'ai rencontrés ont toujours été habillés en costume, que ce soit mon grand-père. Mais la génération de mon grand-père portait le fez, un fez rouge. Et c'était très beau d'ailleurs de voir les cinq frères avec leur fez rouge sur la tête. Et puis des costumes anglais, voilà. Bon, parler de tout ça maintenant, c'est vrai que ça paraît tout à fait presque... Pas nostalgique, moi j'ai pas de nostalgie, mais ça paraît parler d'une quelque chose qui est assez ahurissant, vu dans l'Algérie d'aujourd'hui, si vous voulez. Mais c'était une famille qui avait commencé à goûter les raffinements de la vie occidentale. Donc j'étais élevée dans une ambiance, et une ambiance très familiale en même temps, très familiale, très privilégiée, évidemment, avec... Bon, ne serait-ce que les lieux dans lesquels j'ai habité, c'était la maison de Bougie, c'était une merveille, avec 4 km de plage privée, des mimosas, des orangers, des roses, des pins, enfin bon, c'était vraiment un paradis, quoi, c'était un paradis. Et puis, l'école à 11 km, tous les matins, en Citroën, n'est-ce pas ? Mon père a toujours eu des Citroën noirs, accompagné par un chauffeur, évidemment. On se sentait très prisonnier avec mon frère, d'ailleurs. Parce qu'on était accompagnés à la porte et on nous attendait à la sortie à la porte. Donc on était assez assez vissé. Hein. Mais j'ai beaucoup fréquenté de pieds noirs, de français. Vous parliez le français ? On parlait que français. Hein. Toutes mes amies d'enfance sont des françaises. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai présenté une éducation algérienne dans laquelle je raconte aussi la participation de ma famille à la guerre de l'indépendance, y a une jeune femme qui est venue, enfin une femme de mon âge qui était plus tellement jeune et qui m'a dit « Mais tu nous as trahis alors ?» Et je sais pas, peut-être que le fait de m'habiller comme elle, elle avait pensé que je pensais comme elle, voilà. Et que la guerre d'Algérie a été une grande scission avec, avec les Européens, parce que bien évidemment... Oui, parce que vous l'expliquez bien dans votre livre. Il y avait toute une partie de votre famille, la plupart, la majeure partie de votre famille, était pour l'indépendance. C'était une famille indépendantiste. Oui, toute la famille, toute la famille, oui. Vous savez, moi j'ai été élevée dans une famille très nationaliste. On nous disait à table tout le temps, on nous parlait de l'indépendance de l'Algérie. Par exemple, j'ai un souvenir d'une journée où j'étais chez mon grand-oncle et il devait recevoir le gouverneur de l'Algérie, donc ce n'était pas rien. Et à ce moment-là, il a fait un tour dans les cuisines, moi j'étais en bas dans les cuisines, et il a vu qu'on faisait beaucoup de cuisine, beaucoup de nourriture, etc. Parce que c'est un peu notre tradition de donner beaucoup à manger, et lui il détestait la nourriture. Et il arrive et il dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et il fait jeter la moitié des choses, et puis il dit « Mais pourquoi vous êtes dans cet état ?» Mais on dit « Mais enfin, mais c'est le gouverneur. » « Mais le gouverneur, et alors ?»« Mais on est mieux que les Français. » Et il nous disait toujours « Attention, nous ne sommes pas Français. » Parce qu'on nous disait ça à nous quand on était enfants, on ne savait pas. Hein. On nous disait « Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Algériens. » Et quand on achetait une ferme, parce qu'on en a acheté beaucoup, hein, beaucoup, une famille qui avait beaucoup de chance économiquement, on nous disait « Et moi, je ne comprenais pas quand j'entendais ça à table. On vient de libérer un petit coin de l'Algérie. » Voilà, c'était la manière de dire « On a acheté une ferme » ou « Voilà ». Il y avait cette conviction de regagner du terrain sur le terrain des colonisateurs. Oui, c'est-à-dire que... Bon, c'est une société, c'est intéressant, ce que j'essaie de montrer dans ce livre. C'est d'ailleurs, il faut savoir que ce livre a beaucoup étonné les Algériens aussi. Hein. Beaucoup d'Algériens ont été étonnés. Étonnés et en même temps ravis, parce qu'ils étaient contents de voir qu'il y avait des familles comme ça qui existaient. Moi, j'essaye de rétablir un petit peu les choses, parce que c'est sans doute dans ces familles-là, une partie de ces familles-là, enfin, en tout cas, ce sont les premiers qui commencent à lever la tête après le passage du cyclone de la colonisation, qui a été quelque chose de terrible. Et les Algériens ont été dépossédés, ils ont été dépossédés de leur langue, ils ont été dépossédés de leur terre, ils ont été dépossédés de leur maison, ils ont été dépossédés de leur ville, ils ont été dépossédés de leur pays, ils sont devenus très pauvres. Ils sont devenus non seulement pauvres, mais ils sont devenus misérables, ce qui est pire qu'être pauvre. Hein. Ils sont devenus misérables. Et cette histoire se passe, au fond, dans des milieux qui ont réussi à se refaire après la colonisation. Mon arrière-grand-père construit sa première usine, mais c'est pompeux, hein, c'est plutôt... c'est un moulin mécanique, mais enfin, on appelait ça l'usine moderne. Ça s'appelait l'usine moderne. La première usine en 1896 ou 86. Donc, voilà des gens qui se refont très vite, hein, qui arrivent à rebondir sur la colonisation. Et après, de 1886 à 1962, enfin 54, parce qu'après c'est la guerre et il n'y a plus tellement d'expansion. Mais là, on va assister à l'expansion d'une famille sur trois générations qui va passer d'une fortune provinciale à une fortune nationale et disons qu'ils vont devenir des exportateurs au niveau international. Ils vont être évidemment, ils vont avoir des chances dans la vie, hein. Mais surtout, c'est qu'ils savent s'adapter. Ils savent s'adapter. Et puis pour certains, ils vont aussi s'intéresser à la politique et essayer de lutter contre le statut, justement, contre l'indigénat. Oui, ça c'est mon grand-oncle. Oui, oui. Donc ils se refont d'abord au niveau argent. C'est très important. Pour eux, c'est important d'avoir des maisons, d'avoir des terres, d'avoir de l'argent, d'avoir, de pouvoir vivre. C'est leur forme de liberté. Ils arrivent d'abord là. Et ensuite, ils font de la politique. Mon grand-oncle qui fait de la politique, il est pratiquement pris en charge par ses frères qui, eux, ne font pas de politique. Donc il va devenir... c'est le premier élu, on va les appeler les élus d'Alger en 1923, et ensuite il va finir sa carrière comme sénateur. Il va, avec Ferhat Abbas, donner au général Catroux le Manifeste des Libertés, qui est un des documents sans doute les plus remarquables qui a été écrit sur la colonisation. Et il croit, lui, d'abord à la restauration de la dignité. C'est très important pour cette génération. Abdennour Tamzali, il s'appelle Abdennour Tamzali, va, avec les jeunes étudiants à Paris, récolter de l'argent pour la construction de la mosquée de Paris. Et quand je lui posais la question, je disais, mais c'était pas pour la religion, c'était pour la dignité. Parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait enterré les soldats algériens de la guerre de 14 dans des cimetières chrétiens. Et on voulait leur donner une sépulture musulmane. Voilà. Donc il y avait la notion de dignité était très importante dans la bouche de ces gens. Et surtout, ils luttaient contre l'indigénat. C'était une classe culturelle, politique, qui avait espéré que la France... aller, avec beaucoup de compréhension, faire évoluer le statut de l'Algérie, n'est-ce pas ? Parce qu'ils avaient compris, évidemment, que l'Algérie ne pouvait pas rester dans la situation où elle était, mais ils n'ont pas été jusqu'à cette génération-là, jusqu'à la guerre d'Algérie. Ce sont leurs fils qui ont été dans la guerre d'Algérie, voilà. Parce que, bien évidemment, la patience, la sagesse de mon grand-oncle, je la retrouve pas chez mon père ni chez ses cousins. Eux se sont engagés dans un parti politique qui s'appelait le Parti politique algérien, le PPA, et ils ont participé à la lutte armée, n'est-ce pas ? Mais d'une façon directe, pas seulement en donnant de l'argent comme beaucoup de gens. Ils ont été au maquis. Alors, ils ont été au maquis parce que ils étaient dans des réseaux urbains. Et que quand on s'engageait dans un réseau urbain, on s'engageait aussi à partir par le maquis si le réseau était éventé. Et c'est ce qui est arrivé à mon oncle Hamid. Il a traversé la frontière tunisienne par le maquis. Mon oncle Sédic, lui, a pu s'enfuir en bateau. Il s'est enfui dans la clandestinité jusqu'à Marseille. Et arrivé à Marseille, il a été à Tunis. Donc lui, il a pu le faire. Mon père a été assassiné. Lui est resté à Bougie parce qu'il avait beaucoup de responsabilités. D'abord, il avait des fermes, il y avait des magasins, il y avait son père, et puis aussi, il transportait des armes, il transportait des médicaments. Quand il se fait arrêter un an avant par l'armée française, parce que son nom apparaît dans une liste de gens, voilà. Alors c'était un peu pas difficile, mais bon, il faut expliquer un petit peu les choses, c'est-à-dire que la France n'a pas attaqué de front les grandes familles, parce que bien évidemment les Français disaient on va faire des réformes économiques et il n'y aura plus de problème. Alors si on disait que les riches faisaient aussi la guerre, ça tombait, vous comprenez. Donc, on était bien obligés de plus ou moins faire semblant de ça. Et mon père, quand il a été arrêté par l'armée française, ma mère a été informée tout de suite. Le sous-préfet l'a sorti. Il avait un de ses amis de lycée, avec qui il a fait l'école à Constantine, le lycée à Constantine, qui était à ce moment-là préfet à Constantine, et qui est venu en hélicoptère pour lui dire « Hafid, il faut que tu partes ». Et il a dit « Je ne peux pas partir, parce que j'ai beaucoup d'engagement ». Et de toute façon, il était en résidence surveillée. Quand il a été assassiné, il était déjà en résidence surveillée. Et il faut le dire pour que les auditeurs comprennent bien les enjeux de cette histoire. Il a été assassiné par un indépendantiste, par quelqu'un qui... Oui, alors indépendantiste, c'est un mot... oui, c'est un mot, jeune... C'est la première fois que j'entends d'ailleurs ce mot et c'est bien. Il a été assassiné par un jeune homme de 17 ans à qui on a demandé de faire la preuve de son courage et d'aller tuer cet homme. Donc il a été le tué, mais il est pour rien, enfin... pour rien dans cette affaire. C'est l'homme qui a donné l'ordre de le tuer qui est responsable. Et cet homme-là, c'est par vengeance personnelle qu'il a donné l'ordre de le tuer, puisque on a reçu des lettres du commandant en chef de la guérilla de l'époque, qui était Amirouche, et qui avait envoyé une lettre à mon grand-père en lui disant que ce n'était pas lui, bien évidemment, et qu'il punirait celui qui a tué. Mais quand je vous parlais tout à l'heure d'ambiguïté, en même temps, on a reçu un télégramme du général Coty, n'est-ce pas ? Et on a proposé à ma mère de donner la médaille de guerre à mon père. Lui qui n'avait jamais tiré un coup de fusil, qui n'aimait même pas la chasse d'ailleurs, il allait à la chasse que pour rejoindre les chasseurs après. Et oui, parce que en même temps, si vous voulez, du côté de la propagande française, on en a fait quelque chose, on l'a utilisé cette mort, comme on a utilisé la mort d'un cousin germain de mon père dans les journaux en disant, en gros, le FLN tue, alors que c'est la main rouge à l'intérieur des parachutistes qu'il avait assassiné. Donc il y avait un jeu terrible. Quand on a enterré ce cousin, il y a une scène que je n'oublierai jamais. Et il était médecin à Médéa, c'était le cousin germain de mon père. Il avait disparu, il avait été enlevé par les parachutistes. Et le FLN nous avait dit qu'il était enlevé par les parachutistes. Et à l'époque, ça donne bien un trait, si vous voulez, de ce que nous étions. Et c'est que mon grand-oncle Mustapha a été voir Massu. Et lui a dit, vous avez mon neveu, vous allez me le rendre. Et il a dit, on l'a pas ? Non, on l'a pas. On l'a retrouvé... les ongles arrachés, sans yeux. Il avait été torturé dans le maquis. Et quand on l'a enterré, mon père venait de mourir, donc pour nous c'était une suite de catastrophes terrifiantes. Et son corps donc était allongé, et il y a des représentants de l'état-major français qui sont venus pour mettre un drapeau français sur son corps. Et ma tante, sa mère, une vieille dame, quand elle a vu ça, elle s'est jetée. Elle a pris le drapeau, elle a jeté au pied des militaires, elle a craché dessus. Et alors les hommes de la famille ont dit, écoutez, vous savez, il faut lui pardonner, c'est la douleur qui l'égare, mais il vaudrait mieux que vous veniez dans le salon. Et ils ont emmené. Donc c'était ça, la guerre d'Algérie dans laquelle on était. C'est pour ça qu'on nous a toujours, par derrière, on nous a toujours dit non. Par exemple, quand mon père a été assassiné, évidemment dans les journaux on disait que c'était le FLN. Mais on a reçu l'ordre de ne rien dire. Hein. Et mon oncle a dit à ma mère était espagnole, elle aurait pu ne pas comprendre. Il lui a dit, ne dis rien, on vous dira tout après. Et ça, si vous voulez, c'est une des douleurs du livre, hein, bien sûr, parce qu'on ne nous a rien dit après. Non seulement on ne nous a rien dit, non seulement on ne s'est pas excusé, mais on nous a accusés d'être des bourgeois et d'être des suppôts du capitalisme international. C'est-à-dire que pour nous, la guerre n'a pas fini. En 62, quand il y a eu l'indépendance, on a continué à nous accuser, n'est-ce pas ? On a joué sur tous les fausses images qui se dégageaient de cette famille. Vous étiez cette famille qui avait, entre guillemets, profité de la colonisation dans le sens où vous aviez pu... D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que... d'une certaine manière, on portait tous les attributs de la colonisation, voyez-vous. Et ça, c'était lourd à porter, et ça continue à être lourd à porter. Merci beaucoup, Wassila Tamzali. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Perrine Kervran rencontre Wassila Tamzali. Attachée d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Philippe Etienne. Réalisation, Nathalie Salle. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 500 jours et podcastable pendant 7 jours sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Perrine Kervran avec Vassila Tamzali. À voix nue. Toute cette semaine, Perrine Kervran rencontre Vassila Tamzali. Ce soir, faire la révolution à la Cinémathèque d'Alger. Vassila Tamzali, bonjour. Nous continuons ensemble ce parcours à travers vos souvenirs et votre itinéraire personnel qui sont liés à l'histoire collective de l'Algérie, de l'élan de la révolution à la désillusion face à la trahison des espoirs qui avait été soulevée par l'indépendance. Des souvenirs que vous égrenez dans un livre paradoxal, à la fois optimiste et sombre, Une éducation algérienne, paru en 2010. Hier, nous évoquions votre enfance et l'éducation moderne et universaliste qui a été la vôtre dans l'Algérie coloniale jusqu'à l'assassinat de votre père. Et aujourd'hui, je voudrais que nous abordions l'aspect lumineux de la révolution algérienne, une révolution qui a été votre première passion amoureuse, une révolution qui vous a porté, construite, nourrie, et qui, si elle a été une erreur, dites-vous, a été une belle erreur. Et c'est vrai qu'une des erreurs de cette révolution a été de créer le mythe d'un peuple algérien unique, uni, d'un nous collectif qui effaçait l'hétérogénéité de la société algérienne, un mythe auquel vous avez su résister puisque cette révolution, vous l'avez passée en partie dans le cocon de la Cinémathèque d'Alger où les intellectuels de toutes origines et dans toute leur diversité se réunissaient pour refaire le monde. Aujourd'hui, donc, deuxième volet, faire la révolution à la Cinémathèque d'Alger. Alors pour commencer, comme hier, je voudrais invoquer une image pour donner comme ça un climat à cet entretien. Donc ce serait vous, cette silhouette de jeune fille dans les rues d'Alger, une jeune fille libre et insolente à la peau brune, vous vous décrivez comme cela, en saharienne, en patogaste, tête nue, des boucles de gitane qui pendent à vos oreilles, un cordelier que vous ne cachez pas, une silhouette qui est portée par l'enthousiasme de l'indépendance, par l'aube d'une Algérie nouvelle. Oui, c'est comme l'histoire du voile d'hier, de la dernière émission. Ce livre est écrit... raconte le passé, mais regarde du présent, bien évidemment. Et quand je parle du cordelier, des anneaux de gitane, etc., etc., je voulais montrer cette liberté qui m'habitait encore, cette liberté corporelle d'une jeune femme, presque d'une jeune fille, là, d'ailleurs, qui n'est pas encore... qui n'est pas rentrée dans les règles de la rue... la rue algérienne qui va devenir peu à peu, et jusqu'à aujourd'hui, et à aujourd'hui c'est très oppressant d'ailleurs, qui va devenir une rue où le corps des femmes est sous le contrôle du regard de l'homme. Et alors évidemment, on s'adapte. Et donc, quand on a commencé à travailler, même en France, on essayait de ne pas trop se faire remarquer, hein. La féminité, c'était pas quelque chose qu'on amenait en plus dans le travail. C'est maintenant qu'on commence à parler de féminité, de reconnaissance de la féminité, de ses qualités, etc. Et la rue d'Alger, bien évidemment, peu à peu, tout ça va disparaître, n'est-ce pas? Parce que il y a un tel tabou sur le corps, c'est que ça va disparaître peu à peu. Bon, à l'époque, c'était pas le cas, c'était encore l'Algérie légère. Qui se construisait avec avec des rêves formidables, avec des utopies. Hein. C'est important le mot utopie, je crois. Et tout à l'heure, vous disiez une belle erreur, oui. Une belle erreur, c'est une utopie. Ça reste une belle erreur et une bonne erreur, parce que ça permet de structurer une vie, un présent et même un futur, même si ça ne se réalise pas, voyez-vous. Je pense que ce qui me tient encore debout, avec tous ces espoirs, je suis toujours dans ce paradoxe d'espoir et de désespoir en même temps. Je suis là-dedans, je suis parfaitement là-dedans. Je garde cette confiance en la vie, quelles que soient aujourd'hui des images très fortes que l'on reçoit et qui sont tout à fait inquiétantes, hein, de toutes ces femmes voilées dans les rues d'Alger, etc. Mais je pense que pour moi, l'islamisme, c'est une idéologie mortifère, n'est-ce pas ? C'est la mort du corps, la mort du désir, la mort de l'individu, la mort du sujet, c'est la mort du sujet. Au nom de la vie de l'âme et des choses comme ça, très... mais il y a quelque chose de mortifère dans ce qui, aujourd'hui, marque les rues, la rue d'Alger, la révolution arabe, tout ce qui est en train de se jouer maintenant. Et je mise pour la vie. Je pense que c'est toujours la vie qui finit par gagner. Et à l'époque, c'était... on croyait beaucoup en la révolution universelle. D'abord, c'était la révolution partout. Pas seulement en Algérie, c'était partout. Et c'était vraiment... Et l'Algérie était dans cette révolution, voyez-vous. L'Algérie était dans cette révolution, comme par exemple, quand on parle de féminisme, aujourd'hui on veut tout à fait nous délégitimer en faisant croire que nous avons copié le féminisme occidental. C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Les premiers mouvements féministes en Algérie commencent à se créer autour des années 70, comme en France. Hein. Peut-être d'une manière un peu différente, parce que c'est dans des partis politiques que ça se crée. En France, c'est plutôt des groupes de réflexion qui sont en dehors des partis politiques. En Algérie, non, c'est les partis clandestins. Mais comme c'est des partis clandestins, donc ils ont un peu cette aura de la clandestinité. Mais à l'époque, on n'imitait personne. On était vraiment dans notre révolution. Et c'était normal. Parce qu'on venait de vivre la révolution algérienne, et mon grand souci aujourd'hui, c'est de renouer les liens avec cette histoire. La révolution algérienne, elle a été rendue possible, imaginée, pensée, par cette classe sociale qui s'était frottée, ou qui avait été frottée violemment au colonialisme et à l'Occident et à la modernité, et qui, de ce choc avec la modernité, était née à l'idée de la nation et à l'idée de la liberté, qui sont des idées tout à fait neuves, c'est vrai, dans le vieil empire ottoman qui était un empire décadent. Donc ce sont des idées qu'on va accueillir à l'école française, n'est-ce pas ? Ferhat Abbasdi, quand j'étais enfant et que je ne retenais pas ma leçon « liberté, égalité, fraternité », on me tapait sur les doigts. Aujourd'hui que je veux la mettre en application, on m'empêche de parler, on me met en prison. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était une manière de s'approprier et de faire sien ce qu'il y avait de bon à prendre dans la colonisation, c'est-à-dire le contact avec l'universalisme, le contact avec certaines valeurs. Je ne sais pas s'il y a eu délibérément un tri, voyez-vous. Je ne pense pas qu'il y ait eu un tri délibéré. Je crois que c'est une confluence. Ce n'est pas une influence, une confluence. C'est qu'à un moment donné, la conscience d'opprimé, du colonisé, rencontre un matériel idéologique qui convient parfaitement à sa situation de colonisé, n'est-ce pas ? Et il va s'en servir, bien sûr, c'est son arme. Il va pas seulement prendre des fusils, des revolvers et des Kalachnikovs. Non, il va aussi prendre un matériel idéologique, que ce soit marxiste ou que ce soit existentialiste. Sartre et Simone de Beauvoir ont été très présents dans la pensée, n'est-ce pas, du mouvement indépendantiste. Donc, on est porté par ces idées-là. On est porté parce que le nationalisme algérien, il a été traversé de plusieurs courants. Et il a été traversé d'un courant très déterminant et très fort, qui était un courant, je dirais, républicain, pour aller vite. Hein. On ne pourrait pas l'appeler républicain, mais disons moderniste, laïque. Moi, je dis toujours que le plus grand héritage que j'ai de ma famille, c'est pas des terres ou des maisons, d'abord parce qu'on n'a pas eu un gros héritage, puisqu'on nous a tout pris, mais c'est le sens de la liberté. parce que mon père s'est vraiment battu pour la liberté. Il avait tout. Hein. Il avait à manger, il avait la reconnaissance sociale, il avait les honneurs, il avait tout ce qu'il voulait. Donc, il y a vraiment, dans cette catégorie sociale, qui est arrivée à un certain niveau de vie, je pense à la petite bourgeoisie, aux professions libérales, qui étaient des médecins, ils auraient pu très bien vivre comme des médecins, tranquilles, en s'enrichissant, en retrouvant une dignité individuelle. Mais c'était fini. À partir de 45 et de Sétif, n'est-ce pas, il y a une idée collective qui naît sur l'indépendance. Et elle est portée par un courant très moderne, très laïque, ce que j'appelle les élites colonisées, qui sont les syndicats, qui sont les professions libérales, qui est le Parti communiste. Et même, il y a un courant religieux qu'on appelle les oulémas, qui est un courant religieux qui est moderne aussi, puisqu'ils vont vers une modernité. Quand je les compare à ceux d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, voyez-vous. Donc, nous avons 20 ans et on est complètement branché sur le monde. Hein. La Cinémathèque d'Alger, ça va être le rendez-vous international de l'intelligence, de la résistance, de la beauté, de l'art. Nous allons déjeuner avec Godard, nous allons dîner avec Eustache, nous allons recevoir... malheureusement, j'ai oublié la moitié des noms. Schoendorfer, Barbette Schroeder. Oui, mais d'autres, les Cubains, les Louis Argentins. Guterres. Voilà, je pensais à Guterres. Les Argentins. Ensuite, nous allons recevoir tous ceux qui luttaient. Je pense à mon ami Raymond de Glaeser, dont je parle dans le livre, qui a été un grand ami, qui a été assassiné par les militaires argentins. Nous avons reçu... c'est quand même à Alger que se constitue le parti politique par les Black Panthers, n'est-ce pas? Il y a les Black Panthers à Alger, comme il y a tous les Angolais, n'est-ce pas? Alors, quand je dis ça, je vois très bien toutes ces personnes magnifiques, déjà de beauté, et qui dansaient, qui chantaient, et c'était la fête. C'était la fête. Alger, c'était la fête. Et on a cru que ça allait se faire, obligatoirement. Oui, il y avait aussi cet élan tiers-mondiste, qu'on appelle tiers-mondiste aujourd'hui, oui. Ces conférences des non-alignés qui aura lieu tout à Alger en 1913. C'était dans un grand élan de fierté, oui. Et de, on pourrait dire, voilà, de rassemblement des forces vives, oui. Alors voilà, tiers-mondiste. Si je dois la comparer avec la période d'aujourd'hui, avec une absence totale de références religieuses, mais totale, nous avions un vocabulaire marxiste. Ça ne veut pas dire qu'on était tous marxistes. Mais nous parlions de lutte des classes, nous parlions de capitalisme, nous parlions de alliés objectifs, nous avions un vocabulaire de marxiste. Or, aujourd'hui, n'importe quel intellectuel, malheureusement, moi-même aussi, on est tous en train de faire des analyses par rapport à la culture et à la religion. Nous ne parlions pas de la culture, on la faisait, vous comprenez? Aujourd'hui, on ne parle de la culture que comme d'un refuge vis-à-vis de l'autre. Nous faisions la culture en allant vers l'autre et en prenant l'autre, n'est-ce pas? La Cinémathèque d'Alger, c'était 5 films par jour qui venaient du monde entier. 5 films par jour. Et souvent en avant-première. C'était remarquable, remarquable. Et vous évoquez d'ailleurs une projection qui a eu lieu donc dans cette cinémathèque d'un film de Kovács qui présentait l'entrée des chars à Budapest. Et vous, oui. Évoquez ce cinéaste qui a essayé de faire passer cette idée d'une vigilance permanente qu'il faut garder par rapport au pouvoir, par rapport aux révolutions. Et vous dites qu'à l'époque, vous n'aviez pas su entendre ni voir ce qu'il disait, non, de quoi il parlait. Non, on n'a pas su parce que Kovács... Pourtant, j'étais des intellectuels. Oui, mais on était des intellectuels comment est-ce qu'on peut dire, aveuglés. On était aveuglés. On était aveuglés, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. On était aveuglés par... Éblouis aussi. On était éblouis, mais surtout, si, je pense que nous étions... sentiment un peu de culpabilité. C'est-à-dire que c'est la martyrologie qui a pris l'Algérie en main. Comme disent les avocats, le mort saisit le vif. Alors évidemment, ça a été une manipulation du pouvoir. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est les martyrs qui ont dirigé, mais c'est au nom des martyrs qu'on nous a empêchés de parler, n'est-ce pas? Et je m'en suis très bien rendu compte quand j'ai assisté à un défilé de jeunes en 1994 et que j'ai vu les jeunes dire cette phrase incroyable qui m'a fait presque pleurer. Hein. Laissez-nous vivre. les jeunes, parce que c'était la violence contre les femmes à ce moment-là. Il y avait une violence islamiste qui commençait dans les mosquées. Et les jeunes filles étaient dans la rue, elles disaient « laissez-nous vivre ». Et je me disais « voilà ce que nous n'avons pas su dire ». On n'a pas su dire en 62 « laissez-nous vivre ». On s'est tout de suite embarqué dans des discussions idéologiques. On se disait « c'est vrai que ça ne va pas vite, mais le pouvoir, nous sommes, le pouvoir est notre allié objectif ». Et vous étiez confiant, tout simplement. On était très confiant. On était très confiant. Et vous savez, ce livre, pour moi, ça a été un plaisir de l'écrire parce que j'ai, pour la première fois, je retrouvais un peu, j'étais de nouveau à l'écoute de ma subjectivité. Ça, c'est une chose qui était interdite, que nous étions interdites, même nous, les intellectuels, n'est-ce pas ? Nous ne parlions jamais de ce que nous étions, nos amours, par exemple, voyez-vous. On parlait du nous collectif, la révolution, l'Algérie. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est votre première passion. Oui, c'est notre passion à tous. On ne parlait que de l'Algérie, n'est-ce pas ? Et nous ne parlions pas de nous. Et nous ne savions pas, et maintenant je comprends, parce que maintenant je viens d'écrire un livre sur les révolutions arabes, je vois bien la différence, c'est que dans les révolutions arabes aujourd'hui, c'est l'individu qui est au cœur de la révolution. Or nous, nous n'étions pas au cœur de la révolution. Nous, ce qui était au cœur de la révolution, c'était le peuple, c'était le pays. C'était retrouver la dignité du pays, n'est-ce pas ? Et pour cette dignité, nous avons sacrifié nos libertés individuelles. Et de gaieté de cœur, de gaieté de cœur. J'ai défilé à Alger en disant que la révolution agraire allait libérer les femmes. Je n'étais pas féministe. Et quand les féministes sont venus nous voir en 75, on disait que le féminisme, comme elle l'envisageait, c'était du gauchisme. Et que nous voulions faire la révolution par le peuple. Et pour le peuple, n'est-ce pas ? Bon, c'était les années 70. Hein, on parlait comme ça. On parlait comme ça. On avait une guerre de retard, quoi. On avait une guerre de retard. Vous avez adhéré aussi, c'est-à-dire vous aviez envie d'y croire à cette unité du peuple, quand bien même elle effaçait les nuances, quand bien même elle effaçait la multiplicité de la société algérienne. Oui, alors je vais vous dire, moi, j'ai, en écrivant une éducation algérienne, j'ai mis à plat ma vie. C'est très bien, je conseille à tout le monde de le faire et pas attendre tard, mais le faire vite. Parce que je me suis rendu compte que si je me suis jetée avec tellement d'enthousiasme dans cette révolution algérienne, c'est que la mort de mon père avait laissé un trou immense et qu'aucune parole n'était venue combler, n'est-ce pas ? Cette parole qu'on attendait, cette reconnaissance de l'erreur, c'est une parole, quelque chose. Vous attendiez une parole de qui ? Une parole symbolique qui aurait pu être faite par les représentants du peuple, justement. Et ce représentant du peuple, ou ces représentants du peuple, ils n'ont jamais reconnu les erreurs qui ont été faites pendant la guerre d'Algérie par les Algériens. Parce que je crois que les crimes commis par les Français sur les Algériens, je pense que ça s'oubliera vite. C'est moins grave que les crimes qui ont été commis entre Algériens. Ça, c'est beaucoup plus grave, voyez-vous. Et je crois qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que c'est le non-dit de la révolution algérienne et c'est sans doute le lieu de toutes les manipulations politiques. Il faut vraiment en parler. Il faut vraiment en parler. Mais Wassila Tamzali, c'est aussi justement ce paradoxe qui fait que finalement, vous étiez d'une famille bourgeoise, la bourgeoisie était vilipendée par le pouvoir, vos camarades vous appelaient avec humour la comtesse rouge, donc oui. Pour souligner à la fois votre engagement politique et puis vous renvoyer à vos origines. Et il y avait aussi cette, vous sentiez bien à la Cinémathèque, cette variété, cette pluralité que vous ne retrouviez pas dans le régime, dans ce que vous proposait le régime. Et pourtant, vous arriviez à vivre avec tous ces paradoxes. Oui, oui, mais c'est possible. C'est possible, et pour beaucoup de gens, je n'étais pas la seule. Mais voyez-vous, je me suis engagée, où j'étais du côté de la révolution, parce que ce que j'attendais, moi, c'est une révolution des mœurs. Comme tous les bourgeois, qu'est-ce qu'on attend ? On attend une révolution des mœurs. Hein ? Moi, je pensais que la révolution agraire ou les révolutions économiques qui allaient m'enlever des terres, etc., allaient me donner en échange de la liberté. Parce que moi, je voulais la liberté. Et en même temps, j'ai toujours eu ce sentiment, peut-être un peu vaniteux, d'être au fond l'héritière d'une espèce de mission, c'est-à-dire que nous n'allions pas hériter de terres et de magasins, de maisons, mais nous avions hérité d'une tradition familiale et que notre rôle à nous maintenant, c'était d'aller encore plus loin que les terres et les maisons, etc. Mais c'est d'aller vers la culture et d'aller vers peut-être un épanouissement plus grand de la personne dans une plus grande liberté que ne l'avaient été mes cousins, mon père et mon grand-père qui ont été quand même au service d'une famille et que nous voulions-nous être au service d'une idée et d'un pays. Voilà, donc pour nous c'était presque une promotion sociale le socialisme. Ça nous rendait encore plus grands que n'avait pu l'espérer mon arrière-grand-père, lui voulait la fortune pour sa famille, n'est-ce pas? Et je pense que mon grand-père aussi, et que mon père aussi, quoique lui, il s'est engagé dans la lutte pour l'indépendance. Mais je vois par exemple mes oncles, après l'indépendance, eh ben, ils sont revenus sur leur quant à soi. C'est-à-dire, ils sont redevenus des grands bourgeois qui voulaient défendre leur propriété, leur puissance, leur statut social. On les a pas laissé faire. Mais moi, c'était plus ce que je voulais. Moi, je voulais... je voulais participer à la révolution universelle. Voilà, c'est ça. C'était formidable. C'est un luxe que je pouvais me permettre parce que j'avais eu toutes ces maisons, etc., et que maintenant je voulais plus, n'est-ce pas? Donc, c'est pas un paradoxe. J'étais dans la projection du futur. J'étais dans une projection du futur qui n'est pas arrivée. Qui n'est pas arrivée. Parce que, en réalité, si vous voulez, les gens cette classe qui nous accusait d'avoir trahi le peuple parce que nous étions riches et que nous n'avions pas eu faim pendant... C'est ça, au fond, qu'on nous reprochait. C'est de ne pas avoir eu faim pendant la colonisation. Eh bien, n'avait qu'une ambition, c'était de vivre comme nous et de vivre mieux que nous, plus que nous. Aujourd'hui, en Algérie, les milliardaires, on n'a pas assez des deux mains pour les compter, n'est-ce pas? Et c'est très drôle parce que quand on dit encore mon nom aujourd'hui, et Dieu sait que je ne suis pas riche du tout, du tout, du tout, c'est encore le synonyme de la richesse. Vous voyez, on est resté encore un symbole. Et ça, c'est terrible d'être un symbole de cet ordre. Mais vous étiez aussi, pour certains, le symbole de la colonisation, d'une certaine manière. D'une période, en tout cas, d'une époque. C'est plus compliqué que ça, parce que, en réalité, si vous voulez, c'est surtout dans la région, parce que nous sommes tous nés à Bougy, qui est la petite Kabylie, à Béjaïa, mais nous ne sommes pas originaires de cette région. Et c'est une région qui est très marquée par les tribus, n'est-ce pas? Il y a une appartenance très forte, clanique, très forte aux tribus, et nous n'appartenons pas aux tribus. Nous étions vus comme des étrangers aux tribus. Et nous avons acheté des terres qui avaient été enlevées aux tribus, n'est-ce pas? Alors, il y a un fort ressentiment, oui, un fort ressentiment, évidemment, de la population. Mais ceci dit, je peux vous dire que aujourd'hui, par mon travail, par mon engagement politique, mon engagement militant, je crois que j'ai beaucoup d'amis maintenant, beaucoup, beaucoup d'amis, même dans cette ville où mon père a été assassiné, a été tué. En écrivant Une éducation algérienne, qui est vraiment un livre très sincère, si vous voulez, je crois que je me suis attirée beaucoup d'amitié, beaucoup d'amitié. D'abord parce que pour beaucoup de gens, ils ont découvert que les Tamzalis étaient des grands nationalistes, ils ne le savaient pas. Alors que ça court dans tous les souvenirs aujourd'hui de guerre, relate cette participation constante de cette famille qui avait les moyens. Ça ne veut pas dire qu'elle était mieux que les autres, mais elle avait les moyens de le faire. Donc elle était présente dans beaucoup de territoires et dans beaucoup de domaines, dans l'argent, dans le transport des médicaments, dans le transport pour cacher les gens, dans le transport des armes, etc. Elle était présente parce qu'elle avait vraiment les moyens. Et en racontant cette histoire, beaucoup de gens se sont identifiés à moi, d'une certaine manière, où on vu qu'entre moi et eux, il y avait une fraternité. Au fond, cette fraternité que moi j'avais cru trouver en 62 et qui n'existait pas, et qui était, comme vous dites, un paradoxe, puisque d'un côté, moi j'étais dans la fraternité, et de l'autre côté, on nous accusait publiquement, n'est-ce pas? Donc, comment j'ai vécu ce paradoxe? Alors, peut-être parce que j'étais jeune, et que peut-être c'était un jeu aussi, je ne sais pas. Mais j'avais des convictions que, de toute façon, et même maintenant, si vous voulez, que ce pays, c'est mon pays, hein, et que quel que soit ce qu'on puisse en dire, d'où que ça vient, si vous voulez, ça reste vraiment mon pays. Et pour boucler la boucle, Wasila Tamzali, peut-être que c'est aussi cette méfiance et puis ce désintérêt aussi pour la culture qui fait qu'on vous a laissé, vous, ce groupe de la Cinémathèque d'Alger, on vous a laissé aux intellectuels la culture et puis le pouvoir garder l'histoire, garder la philosophie, garder la politique. Et puis on vous laissait ça comme, voilà, peut-être comme un jouet aussi. Oui, et en même temps, pour c'était l'image aussi du à l'extérieur l'image. L'image, parce que le et même à l'intérieur, il y a eu une ambivalence au départ du pouvoir. Et cette ambivalence était-elle réelle ou était-elle jouée ou était-elle le reflet de véritable une opposition à l'intérieur même de c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui on nous dit. Donc cette ambivalence, nous étions l'image de marque de voilà. C'est-à-dire que c'est nous qui recevions les cinéastes, les intellectuels, etc. On faisait partie de un des masques du pouvoir. Je pense que c'était un des masques maintenant. Je pense que c'était un des masques. Parce qu'on était quand même en liberté surveillée. Hein. Donc c'est peut-être un paradoxe, c'est peut-être un pays, au fond, qui d'abord qui est trop grand, peut-être pour être contrôlé vraiment. Et puis, aujourd'hui... Quand, par exemple, quand on lit certains écrits de Boualem Sansal, hein, on se dit, mais comment est-ce qu'il fait pour vivre en Algérie en liberté, n'est-ce pas ? Quand on lit une éducation algérienne, qui n'est quand même pas tendre avec... qui explique des choses au fond, on se dit, mais pourquoi ce livre circule, et circule bien ? Moi, j'ai reçu une lettre de félicitations du président de la République. Donc, sans doute, si vous voulez, qu'il y a... comment est-ce qu'on pourrait dire pas une schizophrénie, mais quelque chose qui serait de l'ordre de... au fond, il y a un conflit, il y a une ambivalence chez chacun qui accepte la liberté parce que c'est important, mais qui n'accepte pas la liberté quand elle met en cause les équilibres politiques. Voilà, c'est un petit peu, je pense, peut-être c'est un héritage berbère, c'est-à-dire de conserver cet équilibre entre les pouvoirs, entre dans la communauté, de pas remettre en question les pouvoirs politiques. Vous savez, entre le pouvoir politique algérien et les intellectuels et les autres courants politiques, il y avait des pactes. Un pacte, quand je dis pacte, ça veut dire que ça n'a pas été signé. C'était un pacte non dit. Il faut quand même souligner ce paradoxe que Boumediene fait appel à un parti clandestin interdit pour organiser la révolution agraire, qui est le PAX. Le Parti communiste algérien est interdit et c'est lui qui va organiser la révolution agraire. En tout cas, les membres qui le composent. Et le pouvoir sait très bien qu'ils sont organisés en parti politique. Ça, c'est le paradoxe de l'Algérie, vous voyez. Merci beaucoup, Wasila Tamzali. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Perrine Kervran rencontre Wasila Tamzali. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Philippe Etienne, réalisation Nathalie Salle, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 500 jours et podcastable pendant 7 jours sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Perrine Kervran avec Wasila Tamzali. à voix nue. Toute cette semaine, Perrine Kervran rencontre Vassila Tamzali. Ce soir, de l'espoir à la désillusion, les promesses non tenues de la révolution algérienne. Vassila Tamzali, bonjour. Nous sommes ensemble pour ce troisième volet de nos entretiens autour de votre parcours de femme, d'intellectuelle et de militante indépendantiste à travers l'histoire de l'Algérie. Un parcours qui vous a mené de l'utopie et de l'enthousiasme à la désillusion. Une désillusion qui a peut-être germé sans même que vous en ayez conscience au moment où votre père, partisan de l'indépendance, a lui-même été assassiné par un jeune partisan du FLN. Et votre livre, dans ce sens, est aussi un tombeau pour votre père et une réponse à la question qu'il a dû se poser au moment de mourir, à savoir pourquoi lui, un Algérien, devait mourir de la main d'un autre Algérien. Alors si hier nous évoquions l'enthousiasme et la passion que vous avez vécu au sein de cette révolution algérienne, aujourd'hui je voudrais que nous abordions la trahison des idéaux, l'échec de la révolution et ce que vous avez appelé dans votre livre la victoire des tribus, une victoire qui est une des explications de la mort de votre père. Alors aujourd'hui, donc le troisième volet, de l'espoir à la désillusion, les promesses non tenues de la révolution algérienne. Alors comme tous les jours, Vassila Tamzali, je voudrais commencer ce troisième entretien par l'évocation d'une image, aujourd'hui celle d'une file de Mercedes noires qui grimpe la montagne le 10 mai 1963, donc en Algérie. Derrière les Mercedes viennent des bus bondés, affrétés par le régime, et derrière encore des centaines de jeunes volontaires à pied sous le soleil dont vous êtes, et qui, à l'occasion de la journée de l'arbre, viennent reconquérir les terres et écouter le Che Guevara et puis Ben Bella. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette journée et nous dire pourquoi ça a été un basculement pour vous et pour l'Algérie aussi à ce moment-là? Pour l'Algérie, non, je pense pas. Pour moi, oui, d'une certaine manière, puisque c'est la première fois là qu'on accuse ma famille d'être dans un vocabulaire de l'époque que je trouve succulent d'ailleurs, suppôt du capitalisme international. On n'entend plus, hein, suppôt. Le suppôt, ça s'entend plus. Il y a plein de choses qui ont disparu comme ça. Et disons que j'étais quand même... j'avais encore quelques insouciances. Hein. Et si bien que... Bon, j'ai pas vu ça comme un tournant, vraiment. J'aurais dû me douter que là, il y avait quelque chose qui se mettait en place. Ça, c'est clair que j'aurais dû me douter. Et qu'est-ce qui se mettait en place, d'après vous? Ce qui se mettait en place, c'est... c'est un régime qui, dès le début, au fond, a gouverné sur l'exclusion. Voilà. On excluait. On était obligé d'exclure de plus en plus de catégories sociales. Les francophones, les bourgeois, les femmes, les kabyles, la langue berbère. Voilà. On construisait avec une volonté forcenée un portrait robot de l'Algérien type. Et qui devait exclure toutes ces catégories. Je faisais partie d'une catégorie. D'ailleurs, vous avez commencé cette émission par ce portrait robot que je faisais de moi, en souriant qu'à moitié, d'ailleurs, parce que c'est tellement vrai, et que j'avais accumulé toutes les tares qui étaient considérées comme des tares par le régime, et auxquelles j'ajouterai plus tard celle de féministe et de libertaire, parce que ça, c'est une tare qui reste très très forte en Algérie aujourd'hui. Au début, je pensais pas avoir de tare vraiment. Oui, je concevais bien que j'avais une origine un peu particulière. Bon, mais on n'est pas responsable de son origine et que de toute façon, j'étais très engagée dans la modernité, dans cette Algérie nouvelle. C'est même moi d'ailleurs qui avais entraîné les étudiants de la fac de droit dans cette opération de planter un arbre. C'est la journée de l'arbre. Hein. Vous venez de parler de la journée de l'arbre. Et je me souviens, j'avais convaincu un ami d'enfance dont la famille avait été largement attaquée le mois précédent, en lui disant « mais tu peux pas t'identifier à ton arrière-grand-père, écoute, on va construire une Algérie nouvelle ». J'y croyais, hein, je croyais vraiment que j'avais oublié qu'au fond, les gens qui gouvernaient, c'était de faux révolutionnaires, c'était de faux modernes. C'était des gens qui portaient entiers tous les ressentiments de l'Algérie, et Dieu sait que les ressentiments étaient très lourds à porter. La misère, le dénuement, l'humiliation. Et puis, c'est un pouvoir qui, surtout à l'époque, c'était Ben Bella, qui n'avait pas beaucoup de légitimité et qui n'avait surtout pas beaucoup de pouvoir, puisque c'est Boumédienne qui l'a choisi comme représentant et que c'est Boumédienne qui avait le pouvoir. Donc, lui se constituait une base de pouvoir importante. Et pour se constituer cette base de pouvoir, il lui fallait des boucs émissaires. Et nous étions devenus... La bourgeoisie a été le bouc émissaire de Ben Bella. Voilà. On construisait le socialisme spécifique. Boumédienne a été beaucoup plus pacifié, apparemment, hein, puisque lui était plutôt pour un socialisme spécifique, et que le socialisme spécifique se faisait sans lutte de classe. Évidemment, c'était beaucoup plus malin, puisque la classe qui était en train de se constituer, c'était la classe du pouvoir. Donc il ne fallait surtout pas la mettre, la fragiliser. La classe que je représentais, elle était moribonde, hein, il faut dire, et puis on n'était pas vraiment important. On n'avait pas de poids dans la société, on n'avait pas de poids, on était très peu. S'il y avait deux ou trois industriels modernes en Algérie, c'était beaucoup en 62, hein, donc il n'y en avait pas beaucoup. Nous, on avait une ferme qui était entourée de fermes de Français. Toutes les terres riches étaient entre les mains des Français. Donc, il n'y avait pas une classe sociale capable de peser dans la balance. Et de toute façon, ce qu'elle avait représenté, c'est-à-dire un nationalisme ouvert, un nationalisme moderne, républicain, disons, avait été érodé pendant les 7 ans de lutte et qu'ils avaient été pratiquement passés à la trappe. Ils avaient été passés à la trappe. Et alors, en 62, ils sont carrément éliminés. Et il y a une formule que j'aime beaucoup, c'est-à-dire, dans la photo de famille, ils n'apparaissent pas. C'est-à-dire qu'on n'était plus vraiment des Algériens, voilà. Mais justement, vous évoquez une photo de famille. Le régime de Ben Bella, à ce moment-là, était en train de construire une photo de famille, de construire une histoire, de construire une épopée mythique. Et l'épopée, l'histoire, le mythe, c'était la paysannerie qui avait fait la révolution. Et c'était cette paysannerie qui devait être mise à l'honneur. Les terres devaient être récupérées, nationalisées pour cette classe paysanne. Oui, et c'était facile parce que les paysans ne parlent pas. Alors comme ça, on peut prendre le pouvoir à leur place. Oui, puis c'était les années 70, hein, c'est-à-dire c'était Cuba... C'était Frantz Fanon. Frantz Fanon, on a retenu que ça de lui. Il a dit des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus justes. Mais il y avait cette mythologie du tiers-monde libéré par la classe paysanne. Hein. Et d'ailleurs, c'était tout à fait un jeu, c'était de la rhétorique, puisque on a bien vu ce qu'on a fait de la paysannerie, et de la, surtout, ce qui caractérise une paysannerie, pour donner le pouvoir à la paysannerie, il faut que l'agriculture, c'est-à-dire ce que produit la paysannerie, soit au cœur d'un projet politique. Or, quand René Dumont est venu en Algérie pour parler de l'agriculture algérienne, on a dit dans les journaux qu'il voulait faire revenir les Algériens à l'âge du fellah, n'est-ce pas? Donc il y avait un mépris profond pour l'agriculture, mais profond pour l'agriculture. Et la révolution agraire n'a été en réalité qu'un instrument politique, un gadget politique entre les mains de Ben Bella, qui voulait se faire une assise populaire et qui avait besoin, lui, de contrebalancer le pouvoir de l'armée en Algérie. Et il avait besoin de cette révolution agraire. Les fermes que les Français ont laissées étaient des entreprises très moderne. C'était toute l'agriculture algérienne, c'est une agriculture moderne. Il faut pas oublier que les pieds noirs qui vont quitter l'Algérie vont développer la Corse. C'est eux qui vont développer la Corse. Donc c'était des entrepreneurs très modernes qui étaient odieux par ailleurs, puisqu'ils ont réduit les Algériens à un rôle pratiquement d'esclaves. Il faut relire Nejma pour savoir quel était le sort, quel était le statut, quelle était la vie, quelle était la pensée de ces jeunes qui allaient travailler dans les terres, qui avaient été enlevés à leurs ancêtres et sur lesquels ils étaient traités comme des esclaves. Mais il n'empêche que l'agriculture algérienne était une agriculture moderne et que quand on prend les terres algériennes et qu'on les donne en coopérative, c'était les comités de gestion, on ne fait aucune éducation politique à côté et on ne fait aucune éducation économique, de marketing, etc., etc. Vous savez, mes parents avaient une ferme, mais nous ne sommes pas, nous, des paysans, c'est-à-dire nous ne sommes même pas des propriétaires terriens, on habitait la maison et la ferme était gérée par, d'ailleurs gérée par un Français, puisque c'est, il y avait des caves, il y avait des orangers, il y avait un service de comptabilité, il y avait, etc. Tout ça c'était géré par des professionnels de l'agriculture, voyez-vous. Et la terre a été laissée pratiquement en jachère. Nous, quand on nous a rendu une de nos fermes à Bougie, c'est-à-dire 20 ans après, à peu près 20 ans après, eh bien, on a trouvé une terre magnifique, parce qu'elle n'avait jamais été travaillée. Les gens construisent des maisons, on fait des petits poulaillers, mais la terre, en tant que vraiment instrument de production, n'a pas été travaillée. Et il s'est trouvé qu'en Algérie, dans les années 60 déjà, on est arrivé à faire des couscous sans légumes, parce qu'il n'y avait plus de légumes, n'est-ce pas ? On ne trouvait pas des tomates, on ne trouvait pas des poivrons. On avait abandonné la terre. Mais faire le bilan de la révolution agraire, ce serait très intéressant dans ce sens-là, vous voyez. Et à ce moment-là, voici la Tamsali, vous découvrez aussi qu'il y a d'autres constructions qui sont en train d'être mises en place, d'autres mythes qui sont en train d'être échafaudés par le régime. Il y a toute la construction historique, c'est-à-dire refaire cette histoire de la Révolution, alors en maquillant le rôle des femmes dans les maquis, en cachant le sort qui leur a été fait, le fait qu'elles aient été exclues du maquis, qu'elles aient été maltraitées, pire que maltraitées parfois dans les maquis, le rôle des étudiants également, et puis finalement le rôle aussi de la langue française, puisqu'elle est totalement exclue, que les écrivains se retrouvent bâillonnés. Il y a comme ça toute une construction d'un régime, toute une élaboration d'une histoire mythique dont vous prenez conscience aussi. Oui, et ça c'est sans doute la nationalisation la plus terrible, parce que nationaliser une terre c'est rien, mais nationaliser une mémoire, nationaliser une histoire, ça c'est pire que tout. Et bien sûr, l'histoire va devenir le siège de pouvoir, le pouvoir va s'accaparer de l'histoire. C'est au nom de l'histoire qu'on prend le pouvoir en Algérie. Hein. Les premières années du pouvoir n'est justifié que par la filiation avec la libération de l'Algérie. Or, on sait très bien que, en général, les maquis qui avaient pris le cœur de la résistance, si vous voulez, le cœur de la résistance, ont été pratiquement massacrés. L'Algérie arrive à la libération en 62 avec une résistance intérieure qui a été pratiquement anéantie. C'est la résistance extérieure qui va prendre le pouvoir. Et dans la résistance extérieure, il y a un conflit qui va opposer les civils et les militaires. Voilà. Et que c'est les militaires qui vont l'emporter sur les civils, puisque il va y avoir la course à qui va rentrer le plus vite possible en Algérie pour prendre le pouvoir. Et c'est les militaires qui prennent le pouvoir et qui ne reconnaissent pas le gouvernement civil provisoire de l'Algérie. Enfin, ça c'est grosso modo, hein. Il y a des nuances, il faut tout nuancer, etc. Mais voilà ce qu'on peut dire, en allant très vite. Et puis après, ben il y a tous les jours une histoire qui est inventée. Je pense que il n'y a pas beaucoup d'Algériens. Il y en a peu qui se retrouvent dans cette histoire officielle de la libération de l'Algérie. Il y en a peu. Les femmes, les intellectuels, les étudiants, ça a été un peu une hécatombe. Hein. Ça a été une hécatombe pour l'Algérie. C'est une plaie qui est encore très, très, très sensible. Hein, très sensible. Ce qu'on a appelé la révolution algérienne, en réalité, c'est une guerre de libération. Autant on était tous d'accord sur l'idée qu'il fallait mettre les Français dehors, autant on n'était pas les mêmes et on était très différents vis-à-vis de qu'est-ce qu'on fait après, n'est-ce pas ? Mais de toute façon, on n'a pas eu le choix, parce que ceux qui ont décidé ce qu'on faisait après, ce sont ceux qui ont pris le pouvoir, au nom d'ailleurs de la révolution algérienne, et qui ont fait en sorte de garder le pouvoir jusqu'à maintenant, et pour garder le pouvoir, qui ont manipulé les tribus, hein, qui ont manipulé la religion, c'est-à-dire qui ont manipulé tout ce qui est un frein à la modernité, ils l'ont utilisé pour rester... C'est pour ça que je dis que les révolutions arabes m'intéressent, parce que c'est l'histoire qui se remet en marche. Et est-ce que vous pouvez aussi, Wassila Tamzali, peut-être revenir sur ce que vous dites dans votre livre, sur la question de la responsabilité ? Vous vous interrogez beaucoup là-dessus. Comment nous, les intellectuels, comment nous qui avions l'instruction, qui avions la possibilité de voir un peu ce qui se passait, de voir qu'on mentait sur cette construction historique, justement, Qu'est-ce qu'on a, nous, intellectuels, comme responsabilité dans l'échec de cette révolution ? Ça revient souvent dans votre livre, cette question. Oui, parce que c'est certain qu'à un moment de l'écriture, je me suis dit, bon, il y a une question qu'on ne peut pas laisser échapper, c'est comment et pourquoi on s'est fait rouler dans la farine si longtemps, hein. Alors, j'ai une explication dans le livre, hein. Je pense qu'elle est, elle n'est pas exclusive ni exhaustive, mais je pense que d'une certaine manière, ce qui aurait pu nous permettre de prendre nos distances avec le pouvoir, parce que évidemment, le pouvoir est nationaliste, il y a une forte attraction du nationalisme, et en 62, nous sommes tous nationalistes, voilà. La naissance de la nation, c'est l'événement qui va dominer tous les courants politiques, qui va dominer tout le monde. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, hein, ne touche pas à mon pays. Quand nous sommes entre nous, d'ailleurs, nous pouvons faire une critique, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que dès qu'il y a un étranger, ne touche pas à mon pays. Hein. Nous avons parlé de Kovács qui nous avait donné une leçon magnifique parce qu'il avait fait un film sur l'entrée des chars à Budapest, et la Cinémathèque d'Alger, qui était très révolutionnaire, entre guillemets, il lui dit « Mes camarades, mais tu donnes des armes aux ennemis de la classe ouvrière, n'est-ce pas ?» Et Kovács a dit « Oui, c'est vrai, puisque c'est les Russes qui rentrent à Budapest. » Il dit « Voilà, dans mon atelier de production, parce que c'était organisé par atelier, on a pris un tableau et on a fait une rangée, on a dit « Qu'est-ce qui est négatif et qu'est-ce qui est positif ?» Et on a vu que ça nous rapportait plus de dire ce qui s'était passé que de ne pas le dire, n'est-ce pas ? Et cette idée de dire et de ne pas dire, c'est toujours un obstacle à l'analyse et à la vérité, qui a toujours été très forte en Algérie. Moi, je me suis toujours un peu rebellée contre cette idée, en expliquant d'une façon lapidaire, évidemment, en disant, quand on me disait « mais bon, c'est bien, mais ne dis pas ça devant les Français ». Je dis, moi, les Français m'est égal. C'est-à-dire, ce que, aujourd'hui, en Occident, on peut penser de nous, c'est-à-dire le racisme et toutes ces questions-là, ça rendra pas les gens plus racistes ou moins racistes que de savoir qu'on discrimine les femmes en Algérie. Et de toute façon, même si ça doit les rendre plus racistes, moi, je préfère d'abord émanciper les femmes. Parce que d'une certaine manière, le racisme, ça naît aussi de ça. C'est-à-dire cette différence de traitement qu'on fait subir aux populations, à la moitié de la population, voyez-vous. Alors la culture, voilà, ça a été aussi une construction du pouvoir. Hein. On va revenir un peu à notre propos. On a construit l'histoire, on a construit l'histoire de la Révolution, ça c'était très important, et la participation qu'il a fait, etc. Et on a reconstruit la culture, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que cette culture qui avait été complètement, je dirais... anéanti par la colonisation, n'est-ce pas ? Parce que les lieux de production de la culture, c'est le pouvoir économique, tout le monde le sait. Hein ? Bon, si vous n'avez pas de pouvoir économique, vous n'avez pas de lieu de culture, c'est-à-dire la pensée. Après, la culture anthropologique, les mœurs restent toujours là. Et les mœurs régressent, évidemment, s'ils ne sont pas accompagnés par une pensée. On en est arrivé là, n'est-ce pas ? Oui, et puis vous dites, voici la Tamzali, qu'à l'époque, le terme même d'intellectuel devenait une insulte, pratiquement l'équivalent du terme néocolonialiste, oui. Même le terme francophone devenait une insulte, et puis ce qu'on a évoqué tout à l'heure, peut-être sans en dire assez, tous les écrivains algériens qui écrivaient en français se sont retrouvés sans outils pour écrire, et ça a brisé aussi tout un pan culturel, ce que vous êtes en train d'évoquer aussi, c'est-à-dire cette... Alors oui, il y a eu un phénomène très intéressant d'ailleurs, les Italiens ont travaillé là-dessus. Il y a eu un phénomène très intéressant, c'est le silence dans lequel a été plongée la littérature algérienne au lendemain de l'indépendance, tout de suite au lendemain. Et puis après, ça a repris, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a qu'à aller au salon du livre du Maghreb à Paris pour se rendre compte que c'est une production... Inouï. Même qui pose problème, hein, parce que on se demande pourquoi il n'y a pas autant de production en arabe, hein, parce que c'est quand même la question. Et je peux vous dire que quand on traduit des livres en arabe, on n'arrive pas à les vendre. Une éducation algérienne a été traduite en arabe et très très bien traduite. Elle se vend très mal, hein, alors qu'en français, elle continue à se vendre beaucoup, n'est-ce pas ? Parce que l'électorat, il faut le former et que il n'y a pas d'apprentissage de la lecture. Et en même temps, dans les lecteurs de la langue arabe, arabophone, disons, les lecteurs arabophones lisent surtout des livres d'histoire, évidemment sur l'histoire du monde islamique, et des livres de commentaires religieux, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, je pense que, sans doute que ça fait partie du substrat culturel de l'approche de la langue arabe, parce que pour les Algériens, l'arabe n'est que la langue de la religion, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas en Égypte, nous ne sommes pas en Syrie, qui sont des pays de vieille tradition arabe, qui ont produit une littérature en arabe, etc. En Algérie, l'arabe reste la langue de la religion. Et en même temps, il n'y a pas de tradition de lecture, parce que c'est le roman qui donne à lire. Hein. En tout cas, ce que j'entends dire des éditeurs, c'est que les livres écrits en arabe ne se vendent pas en Algérie et que les livres écrits en français continuent à avoir un lectorat assez important, modeste mais important, pour les romans et pour les récits. Parce que ça, c'est pas vraiment un livre d'histoire. Une éducation algérienne, c'est un récit personnel, voilà. Et si on revient à ce qui s'est passé dans les années 60, au lendemain de la Révolution, autour de ces questions de culture, de littérature et de langue, il y a eu quelque chose qui s'est aussi mis en place, un rejet de tout ce qui était intellectuel. Alors, c'est toujours, on est dans l'ambiguïté, on a toujours été dans le paradoxe et dans l'ambiguïté, parce que on a parlé de la Cinémathèque la dernière fois. Il faut quand même savoir que la Cinémathèque, c'était payé par l'État. Les fonctionnaires, c'était payé par l'État, les films étaient payés par l'État. Quand nous allions dans les festivals de cinéma, nous étions payés par l'État, etc. Donc il y avait cette ambivalence. On laissait des poches dans lesquelles se retrouvait un film et une partie quand même de la population, voilà, qui était là et qui continuait à... aujourd'hui, on ne pourrait pas écrire l'histoire de la culture algérienne sans passer par le cinéma algérien comme il a été fait, sans passer par les écrivains comme Rachid Boujedra, comme Boualem Sansal, comme des écrivains francophones. On ne pourrait pas. Et très sincèrement, je ne crois pas que le ministère de la Culture, quelles que soient ses capacités de contrôle et de répression, entre guillemets, et oser ou et même penser à définir la culture algérienne en dehors du français. Je crois que c'est trop tôt, peut-être que ça arrivera un jour. Mais aujourd'hui, et depuis 62, même si on fait des déclarations contre le français, il faut quand même savoir aujourd'hui qu'en Algérie, quand vous avez un diplôme acquis seulement à l'intérieur de la fac, d'Alger, donc vous ne parlez pas et vous n'écrivez pas le français parce que vous êtes surtout arabophone, vous ne trouvez pas de travail dans des grandes entreprises. Le bilinguisme résiste à toutes les tentatives qui ont été faites de l'écraser, de le supprimer. Et raisonnablement, il n'y a pas une entreprise nationale ou même une entreprise d'État ou une entreprise privée qui pourrait imaginer travailler en arabe aujourd'hui en Algérie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors peut-être pour conclure l'entretien d'aujourd'hui, Wassila Tamzali, vous pouvez nous dire si c'est la sensation ou le fait d'avoir pris conscience que ce que vous étiez, ce qui vous constituait, était rejeté par cette révolution que vous aviez tellement aimée, que vous aimiez tellement, le fait d'être une femme, le fait d'être une bourgeoise, une intellectuelle. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé au départ en 1979 ? Bon, oui, c'est plus compliqué que ça. Hein. On sait jamais. J'ai pas l'impression d'avoir pris beaucoup de décisions dans ma vie. Je me suis retrouvée un jour là comme ça. Je partais pour 2 ans, hein, et je suis restée 20 ans. Mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir pris... Ce n'était pas un projet... À un moment donné, c'est vrai que je commençais à être un peu inquiète de mes allées et venues. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Alors, si vous voulez, puisqu'on parlait de culture, c'est évident que dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ont des approches différentes de la vie, ça c'est clair. Mais dans un pays comme la France, dans une démocratie, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Amérique, que ce soit n'importe quelle de ces démocraties qu'on critique beaucoup, mais au moins, elles permettent aux gens qui sont différents de vivre ensemble. Hein, voilà. Tandis que dans des pays comme ça, où on met en marche une espèce de rouleau compresseur avec un modèle type d'Algérien, évidemment, bon, vous êtes tout de suite différent, et puis après, vous êtes tout de suite regardé comme suspect, puis après, ensuite, vous êtes carrément... Il y a une forme d'ostracisme. Il y a une forme d'ostracisme. Quand je quitte l'Algérie, j'ai pas ce sentiment. J'ai le sentiment que c'est moi qui décide et que je vais aller vivre ailleurs ma vie de femme, parce que, de toute façon, l'Algérie vit à son rythme. Mais en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que c'est pas moi vraiment qui ai décidé. C'est qu'on m'a mis dehors pratiquement doucement, tranquillement, avec beaucoup d'élégance, n'est-ce pas? Parce que quand je rentre à l'UNESCO, je peux le dire, je ne serais jamais rentrée si je n'avais pas eu l'appui de la diplomatie algérienne, n'est-ce pas? Donc, c'est avec beaucoup d'élégance qu'on me met à la porte. Hein. C'est un petit peu comme quand donc j'ai travaillé 20 ans à l'UNESCO, il y avait un fait qui était très remarquable. Tous les ambassadeurs d'Amérique latine, c'était des intellectuels qui n'étaient pas en odeur de sainteté dans leur pays et qu'on envoyait pour représenter leur pays à l'étranger. Donc, voilà, ce n'est qu'après que je réalise que vraiment, je serais bien restée dans ce pays, au fond, pour continuer à lutter, continuer à travailler, etc. Mais que la vie n'était pas possible, voilà, la vie n'est pas possible. Et aujourd'hui... Pour beaucoup de gens qui quittent ces pays-là, c'est même pas une question économique. C'est une question de je dirais, très égoïste, qui dit, écoutez, moi, j'ai envie de m'asseoir au café tranquille, hein, prendre une cigarette. Hein. Qu'une femme fume aujourd'hui dans un café, sur une terrasse de café Alger, c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors, un grand pays de 40 millions d'habitants, hein, avec, je sais pas moi, 2500 ou 3000 kilomètres de côte, avec des déserts, avec... tant d'argent en banque avec des grandes autoroutes, c'est pas l'Afghanistan, hein, l'Algérie. Eh bien, une femme, je ne peux pas m'asseoir, prendre une cigarette à une terrasse de café. Et c'est pour des petites choses comme ça qu'à un moment donné de votre vie, vous vous dites, bon, allez, maintenant, basta, je vais essayer de vivre. Voilà, alors je suis venue 20 ans à Paris, mais et maintenant je suis retournée. Hein. Et je suis condamnée à des va-et-vient. Et je ne suis pas la seule. Nous sommes pratiquement tous les gens de ma génération qui sont de mon profil un peu. Hein. Ceux qui écrivent un peu, qui font du cinéma. Tous ces gens-là, quand ils peuvent, s'ils le peuvent, ils ne peuvent pas quitter l'Algérie. Mais ils ont besoin de prendre ailleurs un bol d'air. Voilà. Merci beaucoup, Wassila Tamzali. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Perrine Kervran rencontre Wassila Tamzali. Attachée d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Philippe Etienne. Réalisation, Nathalie Salle. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 500 jours et podcastable pendant 7 jours sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Perrine Kervran avec Wassila Tamzali. Ces trois premiers volets de la série d'À Voix Nue consacrée par Perrine Kervran à Wassila Tamzali ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 12, 13 et 14 mars 2012. À suivre.